19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Sont vraiment terrifiantes à croire qu'elles sont faites pour cela. Il faut le dire qu'elles sont le support physique de la transfiguration du passage à la mort, un état n'incarnant ni la vie, ni le trépas. Souvenons-nous de Rasker Kapak, dont les archéologues osèrent profaner le corps séché et par essence sacré. Il ne faut jamais chatouiller les momies. Pour preuve, celle d'Hergé plongea les sacrilèges dans un sommeil presque éternel. Au travers des 7 boules de cristal, ce qu'Hergé pointait du doigt, c'est tout simplement la relation entre la momie et les archéologues, avec une question sous-jacente, faut-il fouiller les cadavres anciens? À défaut d'en découvrir, d'en autopsier, engageons la conversation avec elle, à l'image d'Adèle Blanc-Sec et de son acolyte bandeletté Patmosis, évoquons surtout l'exposition « Momie, les chemins de l'éternité » qui se tient actuellement à Draguignan, dans le Var, avec le plus fin connaisseur du sujet, Philippe Charlier, bonsoir. Bonsoir. Rappelons que vous êtes médecin légiste et archéo-anthropologue, désormais directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Philippe Charlier, pour évoquer la diversité des momies à travers le monde, nous avons intitulé ce numéro du magazine d'archéologie de France Culture « Momies à toutes les sauces ». Car la sauce de momie, ou presque, a bien existé. Et oui, c'est pas simplement un clin d'œil, c'est vrai que pendant des générations, en tout cas au moins depuis le Moyen-Âge, on utilisait des fragments de momies comme pharmacopées. En fait, tout part d'une erreur, c'est que ce qui était utilisé à la base, peut-être pour une période déjà plus ancienne, l'antiquité grecque, romaine ou une antiquité musulmane, si on peut dire, locale, c'était ce naphte, ce bitume qui sortait de façon naturelle du sol, du sable ou de la mer. Et en fait, c'est ce bitume qui est utilisé en surface et à l'intérieur des momies égyptiennes. Et à un certain moment, on s'est mis à confondre la mumia, le bitume, et la mumie, c'est-à-dire la momie telle qu'on la connaît. Et avec cette erreur peut-être sémantique, peut-être également de matière première, eh bien ce sont de véritables fragments de momie égyptienne qu'on a délayés ensuite dans des petites bouteilles, dans de l'huile ou dans des préparations pharmaceutiques et qu'on ingurgitait pour traiter les saignements qui duraient trop longtemps, les saignements de nez, les hémorroïdes ou les règles trop abondantes. Ça marche pas, je peux vous le dire, mais surtout ça a quand même fait florès pendant des générations et des générations jusqu'au tout début du XXe siècle, c'était encore dans la pharmacopée. Donc bitume, goudron, huile, qui ne sont pas des huiles essentielles, suintant des corps, on est là devant une sorte de pharmacopée proche de la nécrophagie, impensable aujourd'hui. Alors c'est impensable aujourd'hui, bien sûr. Traiter le corps d'un homme avec le corps d'un autre, fût-il vivant ou mort, c'est difficilement pensable. Ça existe avec la greffe, par exemple. Mais quand même, là, ce sont des corps morts qui ont plusieurs milliers d'années. Une chose importante, c'est que ces corps, ils représentent une éternité. Et donc, il y a aussi cette idée symbolique de prendre un corps qui ne s'est pas décomposé pendant des milliers d'années, et en l'ingurgitant un tout petit peu, on peut espérer guérir par une sorte de sympathie millénariste. On espère durer peut-être pas des milliers d'années, mais au moins quelques années de plus en utilisant cette sauce d'éternité. En tout cas, il faut alors relire Ambroise Paré et son discours sur la momie, qui en 1580 pense qu'il n'est guère bon d'enduire les blessures d'une pâte faite de chair morte humaine. Tout cela d'ailleurs s'arrêtera avec la découverte quasi de la morphine en 1803. La découverte, la synthèse. L'idée est la suivante, c'est qu'il est extrêmement énervé, Ambroise Paré, qui est un chirurgien breton, hein, il est de Laval, et il ne supporte pas ces aberrations comme parler des licornes, traiter des monstres qui sont complètement inventés, des prodiges. Il écrit un traité à ce sujet. Un vrai rationaliste, on pourrait presque dire un cartésien, si c'était pas une erreur chronologique. Et il ne supporte pas qu'on traite un homme avec le corps d'un homme mort. Et c'est vrai qu'il a pu constater qu'autour du cou de certains souverains français dont il s'est occupé, eh bien, il y a ces petites pochettes en métal, métal ou en tissu avec de la mumie et qu'ils ingurgitent quand ils ont des saignements. Pour lui, c'est une aberration, c'est une horreur, c'est presque criminel. Philippe Charrier, disons-le, la momie sert à tout, pigments de peinture, mais surtout phosphate et engrais pour l'agriculture anglaise. Et même comme combustible dans les locomotives. Alors on ne sait pas si c'est allé vraiment jusque-là. Il y a peut-être une exagération historique, mais c'est vrai qu'il y avait des bateaux entiers qui venaient d'Égypte chargés à bloc de momies, autant momies humaines que momies animales, des ibis, des chats, des beaucoup chiens. Beaucoup de chats, visiblement. Hein. Beaucoup de chats, hein. Vraiment. Venant du Boubastéion, les fameuses sépultures à chats. Exactement, le culte pour Bastet dans la ville qui lui était consacrée, Bubastis. Mais vraiment des tonnes et des tonnes qui ont ensuite servi d'engrais. On faisait un épandage, non pas avec du purin, mais avec des momies égyptiennes. Et c'est vrai que c'est très riche en matière organique. Maintenant, est-ce que ça donnait un goût particulier? En tout cas, il y avait un véritable commerce de ça. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques momies humaines qui ont dû passer dans le lot. Probablement celles qui étaient en mauvais état de conservation. Car celles qui étaient en bon état, elles étaient plutôt achetées dans des cabinets de curiosité, pour des musées, ou encore pour de riches collectionneurs qui espéraient, en les débant de l'étang, y faire de belles découvertes. Et on a comme ça des exemples lors d'expositions universelles, de débans de l'étage organisées en grande pompe devant la riche société bourgeoise ou aristocratique d'Europe. Et on venait assister à une fouille qui n'était pas très archéologique ni scientifique, mais qui était plus une chasse au trésor sur cadavre. Faut dire que les Égyptiens ont empaillé n'importe quoi. Alors empaillé, c'est pas le terme que j'aurais utilisé, cher Vincent. Ils ont vraiment embaumé à la fois les humains mais aussi les animaux. Alors quand on embaume un humain, on peut comprendre. C'est cette quête d'éternité dans un but métaphysique. Il faut que l'âme retrouve un corps à peu près intègre, sinon l'éternité ne lui est pas permise. En revanche, pour les animaux, il y a un double sens. Le premier, c'est de déposer des restes animaux, tantôt une cuisse animale, tantôt une oie, par exemple, dans le tombeau, et que cette offrande pour le défunt soit elle-même immortelle, et c'est pour ça qu'on l'embaume. Comme ça, ni le défunt qui va en profiter, ni l'offrande elle-même ne s'altère. Donc c'est un peu offrir à manger, c'est comme un frigidaire qui se reconstituerait en permanence pendant la nuit. Il y a aussi d'autres types d'offrandes animales, ce sont des offrandes animales, cette fois-ci momifiées toujours, mais qu'on offre à la divinité. Par exemple, un chat pour Bastet, par exemple un petit crocodile pour Sobek. L'idée est qu'on fait une sorte d'offrande qui ne s'altère jamais. C'est donc comme si on offrait un animal, entre guillemets, totémique, c'est pas exactement ça sur le plan anthropologique, en tout cas à l'image de la figure du dieu, comme si on offrait une offrande qui ne s'altérait jamais et qui était reconduite tous les jours. C'est une offrande pour l'éternité. Au-delà de l'Égypte, pourquoi produire des momies dans une quête de la vie immortelle, d'un repos éternel? Je pense que embaumer un corps peut être d'abord le fruit du hasard. Il y a des corps dans les mines de sel, par exemple en Iran, qui sont vraisemblablement liés au hasard et aux conditions environnementales qui empêchent la corruption du cadavre. Oui, mais là on parle des momies artificielles. Pour les momies artificielles, en effet, là, il y a une vraie quête de sens, une vraie tension sous-jacente métaphysique qui est celle d'empêcher la corruption liée à la décomposition et à la putréfaction. C'est lutter non pas contre la mort. La mort est acceptée, puisqu'il y a des rituels qui l'accompagnent. Mais c'est lutter contre les signes de la mort, ce qui est tout à fait différent. Ça peut même s'expliquer par le fait que l'âme, qui est parfois unique, parfois fragmentée, selon le contexte chronoculturel, eh bien, elle peut avoir besoin, à un certain moment de son existence, de sa pérégrination post-mortem, de retourner à l'intérieur du corps. C'est justement ce qui arrive pour l'Antiquité égyptienne. Et pour l'Antiquité pharaonique, si on est privé d'un corps intègre, si on n'a pas de soins de momification, cette partie d'âme qui a besoin de retourner dans le corps, eh bien, se retrouve bien dépourvu lorsqu'il s'agit d'un squelette. Et sans embaumement, sans momification, eh bien, le séjour dans l'au-delà, ce qu'on appelle les champs de Dialou, il devient pour le coup impossible. Donc on est obligé de s'acheter, si on peut dire, par son niveau socio-économique, par ses soins d'embaumement, on s'achète sa place au paradis. Oui, c'est donc bien sûr le bas et le rat, l'âme, qui doit être incarnée dans une sorte de support physique, c'est bien ça. Hein, c'est exactement ça. En Égypte, du moins. Mais c'est aussi valable dans d'autres religions. Prenons le bouddhisme, par exemple, en Asie, avec ce qu'on appelle les bouddhas vivants. Un bouddha vivant est un moine qui décide, 10 ou 15 ans avant ce qu'on pourrait appeler, avec un œil occidental, sa mort biologique, qui n'est pas justement une mort pour les bouddhistes, eh bien, il décide de prendre le chemin d'une absence de réincarnation. C'est-à-dire qu'il va prendre un régime alimentaire, quasiment plus d'eau, pas de gras, pas de sucre, juste des racines, des champignons, quelques lichens et des écorces. Et il va manger uniquement ça pendant des années et des années, avec en plus une sorte d'exercice spirituel, pour paraphraser Ignace de Loyola, des exercices spirituels qu'il va faire jour après jour pour se mettre en condition. Ça prend 10 à 15 ans. Et la dernière année, il s'alimente uniquement à base base d'eau ou de thé dans le sous-sol d'une pagode et il sonne avec une cloche une fois par semaine pour qu'on lui apporte sa dose d'eau. Quand il ne sonne pas, eh bien on va le laisser tranquille pendant un mois. Donc là, il est mort pour un médecin légiste, bien entendu, mais pour un bouddhiste qui a cette croyance et qui obéit à ce dogme, eh bien le corps, quand on le retrouve dans la crypte de cette pagode, est en position de lotus et il est dans un état qui est entre la vie et la mort. Il est dans une méditation extrêmement profonde, on appelle ça un Bouddha vivant, on le remonte dans la pagode, il est toujours en position de lotus, habillé, et on peut interagir avec lui, il réagit sous la forme de bénédiction, d'une aura, et il exauce les vœux. À partir du moment où les vœux sont exaucés, c'est bien qu'il est toujours vivant, c'est bien qu'il est toujours animé. Et d'ailleurs, on le déshabille une fois par an, son vêtement est découpé en tout petits bouts, qu'on met dans des talismans, qu'on peut acheter, le dévot peut repartir avec quand il vient en pèlerinage, et on ramène avec soi un tout petit bout de l'essence de cette sainteté qui émane du corps du Bouddha vivant. Il y a des très belles illustrations dans votre exposition. Curieusement, les plus vieilles momies au monde ne sont pas égyptiennes, mais américaines. Elles sont américaines, elles viennent d'Amérique du Sud, du Chili en l'occurrence, de la population Chincholo. Ce sont des momies qui sont complexes. En fait, une partie simplement des chairs est conservée. Il y a un faux masque en bois qui est déposé sur le visage, avec des peintures, quelques cheveux, de la peau qui est à nouveau remise sur les ossements, avec une sorte de forme du corps qui est donnée par des éléments végétaux et parfois quelques éléments animaux aussi. Donc c'est vraiment une momification qui est complexe, qui passe par un désossage, pour reprendre votre champ lexical culinaire de tout à l'heure. Et ces momies ont plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ, en l'occurrence, et ce sont parmi les momies les plus anciennes. Ce qui ne veut pas dire que la momification n'a pas existé ailleurs. Mais comme toujours en archéologie, tant qu'on n'a rien trouvé, on ne connaît pas. Et puis il y a aussi Spirit Cave dans le Nevada, qui est un cas naturel, là, cette fois-ci. Oui. Mais qui est très ancien. Qui est très ancien qui est aussi. Très intéressant, oui. Et qui a été réenterré car réclamé par les communautés autochtones sur place comme étant un de leurs ancêtres les plus anciens. Ce qui montre bien qu'au-delà de l'archéologie, les corps humains anciens sont porteurs d'une charge éthique, morale et géopolitique extrêmement importante. Et a fortiori quand ce ne sont pas des ossements, mais des corps momifiés. Et en l'occurrence, oui, là, c'était vraiment les conditions naturelles et environnementales qui avaient favorisé la conservation du corps. Alors, ce qu'on n'imagine pas, c'est que cette région d'Amérique, le nord du Chili, par exemple, est une zone géographique qui compte le plus de momies après l'Égypte. C'est assez curieux, mais ça a été très pratiqué de manière très, très dense. Ça a été pratiqué. Et très tôt, visiblement. 1600 à peu près ans, c'est ça? Oui, c'est vraiment une des zones les plus denses en termes de momification et il semble vraiment que la quantité est tellement importante que ça dépassait le simple cadre d'une élite. Enfin, on est vraiment dans une pratique qui semble extrêmement répandue. Mais à nouveau, il faut toujours mettre en tension les découvertes de corps de momies dont beaucoup malheureusement sont issus de pillages, parfois anciens et malheureusement toujours récents, avec les données qui sont issues de l'habitat, qui sont issues... si on veut avoir une vision complètement paléodémographique, il ne faut pas se pencher uniquement sur les momies elles-mêmes, qui ne peuvent être qu'une vision biaisée de cet arbre démographique du passé. Il faut mettre ça en tension aussi avec les structures d'habitat, avec le reste des données archéologiques. Pour créer Raskar Kapak, Hergé s'est inspiré d'une momie Paracas conservée au musée du cinquantenaire de Bruxelles. Le caractère replié en contraction est d'ailleurs caractéristique de ces momies indiennes. Oui. Alors, contrairement à l'Égypte où elles sont totalement détendues. Dans l'Égypte, elles sont détendues, j'aime bien. Allongées. Elles sont décubitus dorsal, elles sont allongées sur le dos, les mains tantôt posées sur le pubis, tantôt repliées sur le haut du tronc en fonction de l'époque et aussi du statut. C'est vrai que les momies Paracas, par exemple, du Pérou, sont en position génue pectorale. On appelle ça en position fœtale aussi. Alors, on peut l'expliquer de deux façons. La première, c'est une vision complètement symbolique. Elles sont en position fœtale, comme si elles retournaient dans le ventre de la mère, etc. Ok, c'est possible. Pourquoi pas? Il y a aussi, et là c'est mon pragmatisme peut-être qui parle un peu plus, c'est aussi la position dans laquelle le corps prend le moins de place. Et ces corps, ils sont mis dans des fardeaux, dans des sacs, dans des textiles, et forcément, si on les met dans la position qui prend le moins de place, le moins de volume, on a besoin de moins de matières premières pour les enrober, si on peut dire. Donc il y a une logique économique qui, à mon avis, doit peut-être être privilégiée, mais à nouveau, un train peut en cacher un autre, on peut très bien avoir un pragmatisme de rituel funèbre qui, avec une économie de moyens, et puis ceci étant sous-tendu par un symbole qui est celui de retour à la terre-mère. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Sandrard est un de mes auteurs préférés. Justement, son héros Moravagine se retrouve chez les Givaro avec un compagnon de voyage dénommé La Tuile. Il écrit « Leur plastique est si précise que les visages momifiés gardent leur expression naturelle et que les corps eux-mêmes ont, au module réduit, malgré la disproportion naturelle des mains et des pieds, quelque chose de leur ancienne attitude. J'assistais à cette opération effarante. Quand ils réduisirent ainsi la dépouille de notre pauvre bougre de La Tuile. Sacré bavard, va. Il est aujourd'hui, au musée du Trocadéro, le plus bel exemplaire d'une collection de Tsantsas. Vous connaissez le sujet ? Alors, je connais le sujet, j'adore Sandrars aussi. Alors moi, je suis plus bourlingué que Moravagine, mais pourquoi pas ? Bon, Blaise fait une erreur, malheureusement. Ça n'est pas la totalité du corps qui est réduit par les hachoirs, Givaro, pour les Européens. C'est plutôt uniquement la tête. Et le procédé, il est vraiment très, très bien connu. D'abord, c'est pas n'importe quelle tête. C'est la tête de mon ennemi qui est réduite de cette façon-là. Et elle est même portée ensuite au niveau de la ceinture, donc dans une zone qui est un peu impudique et qui est plutôt moqueuse. La tête, elle est coupée. Ensuite, on scalpe cette tête, non seulement au niveau des cheveux, mais aussi au niveau du visage et de la face postérieure du cou. Donc, c'est toute la peau qu'on retire. Le crâne, on l'élimine tout de suite, on ne le garde pas. Cette peau, ensuite, on fait un petit cerclage de vannerie au niveau de la base du cou. On coud ceci à la peau et on met des cailloux à l'intérieur. Donc le sac est complètement mobile, hein, c'est quelque chose qui est meuble. Et on jette ça dans l'eau bouillante. Ça va se rétracter un tout petit peu, on le ressort, on gratte un petit peu l'intérieur de ce qui est maintenant racorni. Et l'étape va être répétée 5, 6, 7 fois de suite. Et à chaque fois, cette tête perd de son volume. La peau se racornit jusqu'à devenir dure comme du cuir de chaussure, par exemple. Tout se rabougrit, si on peut dire. Les traits du visage sont encore très reconnaissables. La bouche est cousue, les yeux sont cousus également, probablement pour un rôle autant esthétique que pour un rôle métaphysique, empêcher les yeux de voir et de jeter une malédiction et la bouche de proférer de mauvaises paroles. L'anneau de vannerie est retiré, sectionné, on voit très bien ces traces de section. La seule chose qui ne rétrécit pas, ce sont les cheveux et les sourcils, ce qui explique que cette tête qui est finalement grosse comme un poing, eh bien, a quand même des cheveux qui sont à la longueur naturelle, avec un aspect, une couleur noirâtre qui est liée justement au charbon, à ce sable qu'on utilise aussi, dont on garnit l'intérieur de la tête pour éviter qu'elle ne se putréfie. Philippe Charlier, on a une chance de retrouver La Tuile au musée du Quai Branly ? C'est vrai que nous avons hérité les collections du musée du Trocadéro et les collections d'Afrique et d'Océanie. Là, on est en Amérique en l'occurrence. Oui, il y a peut-être Fawcett aussi. Voilà, le colonel Fawcett qui cherchait la cité Z. On dit qu'il a peut-être été réduit et peut-être que La Tuile ou encore Fawcett se cachent dans des collections européennes. À chercher. Il faut rechercher ça. Il faut rechercher. Oui, mais il y a beaucoup de corps qui sont à rechercher. Mais en l'occurrence, là, on est vraiment... on est dans une revisite permanente de nos collections, mais là, La Tuile est vraiment... C'est du roman national, si on peut dire. Dans notre tour du monde, évoquons les coucou-coucou. Terme péjoratif. Pour évoquer les momies de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des momies qui, les photographies dans l'exposition le montrent bien, sont en... vraiment au contact intime avec la population. Il y a une photo qu'on a retenue dans l'expo qui vient du musée du Quai Branly Jacques Chirac où on voit un enfant jouant à terre sur le sol. Sa maman est sur sa gauche et juste sur sa droite, il y a la momie plutôt bien conservée, fumée en l'occurrence, peut-être de son grand-père, peut-être de son père, en tout cas quelqu'un qui est plus âgé que sa mère. En tout cas, tout ça est très naturel. Tout ça est extrêmement naturel et ça montre surtout que chez nous, en Occident, la mort n'est pas forcément visible. Elle est en tout cas chez elle, dans le cimetière, derrière des murs, avec une porte qui est fermée à clé pendant la nuit. Donc il y a le territoire des morts et le territoire des vivants. En l'occurrence, là, cette photo montre une perméabilité complète entre le monde des vivants et le monde des morts. Ils se tiennent tous par la main et cet enfant joue à côté de la momie d'un de ses proches, tout simplement. Donc la mort fait partie de la quotidienneté et les momies, par l'absence de décomposition, par cette conservation temporaire des traits du visage, du volume du corps et de certaines particularités physiques, des tatouages, une cicatrice, une tache de naissance, eh bien ça veut dire que la mort est là, bien entendu, mais elle n'est pas encore trop visible et elle entretient encore une semblance de vivant. Qu'en est-il de l'Afrique ? Ici, la momification est aussi pratiquée notamment au nord du Cameroun, dans la société Fali. La, La mission Dakar-Djibouti a eu une première vision sur la communauté Fali, ensuite Griol, ensuite d'autres chercheurs y sont retournés. Et ils ont particulièrement bien documenté ces momies qui ressemblent un petit peu à... L'image que je vais utiliser n'est pas du tout critique ou moqueuse. Les corps ressemblent un petit peu à des bibins d'hommes Michelin. C'est juste pour faire comprendre. Il n'y a pas de moquerie, j'insiste. Ce sont des corps de chefs, en l'occurrence. Seuls eux, enfin, vraiment le haut du panier de l'élite a droit à ce type de momification qui n'est que temporaire, qui n'a pas de but de conservation sur le moyen ou sur le long terme. Ce sont des corps qui sont assis, les bras sont élevés à hauteur de la poitrine à peu près, la tête se tient bien droite, et le corps est entouré par des bandelettes, tantôt de tissu, tantôt de lanières, de cuir animal, et vraiment le corps va gonfler, non pas par la putréfaction, mais par ces très nombreuses couches et épaisseurs de tissus ou de végétaux ou de lard qui sont mis sur lui. Une croix est parfois dessinée sur le visage, et c'est vraiment une posture qui est celle de ce que Homère appelait dans l'Iliade les têtes sans force, les morts en l'occurrence. On est vraiment dans une posture assise, les bras tantôt devant, tantôt posé sur les cuisses, même position dans laquelle on va retrouver les poupées Bembe en République démocratique du Congo, qui sont des poupées funéraires. Il y en a à nouveau des exemples dans l'exposition. Là, les objets sont présentés. Et c'est vraiment une posture de défunt. Le corps de la communauté Fali est ensuite descendu dans une fosse qui est refermée, fosse qui fait, on va dire, 1,50 m de profondeur à peu près. Sur le dessus, il y a une très grosse céramique et puis également une lance qui peut être plantée sur le sol pour indiquer la présence d'un défunt, mais également son statut socio-économique de l'élite. Là, on est vraiment dans une momification volontaire, artificielle, mais qui est vraiment à court terme. On sait que le corps, de toute façon, va s'altérer, mais il faut retarder un tout petit peu le passage des animaux fouisseurs. En tout cas, cette photographie de l'expédition de Marcel Griol en 1936-1937 est très, très, très impressionnante. Comme ailleurs, la momie n'est-elle pas un des éléments permettant de pratiquer plusieurs rituels clés, voire plusieurs funérailles? La momie permet... En Occident, en l'occurrence, de faire plusieurs temps de funérailles. Alors, il y a d'abord, en Occident, le roi ne meurt pas. Voilà, le roi est mort, vive le roi. Il ne peut pas y avoir de vacances du poste royal, si on peut dire. Quand le roi meurt, on fait immédiatement son double de cire. Le processus a bien été décrit par Gisèle, repris par certains archéo-anthropologues, notamment de l'INRAP, je pense à Patrice Georges. Et c'est vraiment quelque chose qui est bien codifié. Ce double de cire va être étendu sur un lit de parade. En dessous, eh bien, le corps momifié, lui, va être préservé pendant une trentaine, parfois quarantaine de jours. Et ensuite, ce corps ne va pas être enterré. Il va être déposé dans une crypte, posé sur des tréteaux en fer, un petit peu au-dessus du panier, car lors de la résurrection, les rois de France, qui sont oints par le Saint-Crème, qui sont des rois de droit divin, qui guérissent les écrouelles, donc il y a une petite parcelle de divinité en eux, eh bien, ils vont ressusciter un petit peu avant nous, le commun des mortels. Et cet embaumement, il est multiple aussi. On va retirer du corps du roi le cœur, qui va être déposé dans un endroit particulier. Louis XIII, Louis XIV, par exemple, offrent leur cœur au général des Jésuites, et donc le cœur est déposé dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, dans le Marais, dans des reliquaires, juste à côté du cœur, architectural. Et puis les viscères, les entrailles sont déposées dans un deuxième endroit. Restons sur Louis XIII, Louis XIV. C'est une sorte de crypte qui est juste devant l'hôtel principal à Notre-Dame de Paris. Et puis le corps, lui, est déposé, embaumé, toujours, dans la basilique Saint-Denis. Donc cette répartition de trois zones anatomiques momifiées, embaumées du roi, réalisent une sorte de bornage territorial, de marquage, disant « ceci est le territoire du royaume de France ». Et on retrouve la même chose également pour d'autres souverains, que ce soit en Italie, en Espagne, en Autriche, en Angleterre. C'est vraiment une pratique qui est bien codifiée, qui est réputée, qui marche bien. Voilà, il y en a pour qui c'est un vrai métier que d'embaumer les rois. Qu'en est-il des fausses momies ? Et il y en a plein. Il y en a plein. Bien sûr, chez les Givaro, mais voilà. Alors, il y en a chez les Givaro, il y a des fausses têtes hachoirs, en l'occurrence. Il y a des fausses momies égyptiennes aussi. Je pense à un bec d'ibis factice qui est présenté dans l'exposition parce que, eh bien, quand il est pourtant authentique, il date vraiment de l'époque pharaonique, mais quand on n'a pas suffisamment d'argent, imaginez un étudiant qui veut faire une offrande à une divinité, mais il n'a pas un sou en poche. c'est bourré d'anachronismes, ce que je vous dis, mais c'est pour vous montrer le processus. Eh bien, il peut pas se payer une vraie momie, donc il va acheter un faux bec d'ibis, c'est-à-dire des fragments végétaux qui reproduisent peu ou prou la forme d'un bec d'ibis, mais qui sont revêtus de bitume, et c'est ça qu'il va offrir à la divinité. Donc c'est vraiment ancien, mais c'est pas un vrai fragment animal. Et puis il y a la momie de Jeanne d'Arc qui apparaît au moment du procès. La pucelle d'Orléans qui apparaît au moment de son procès de béatification. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Jeanne, elle est disputée entre l'extrême gauche anticléricale, elle a été brûlée par l'Église, l'extrême droite parce qu'elle a bouté l'anglais hors de France, fermé les guillemets, et puis l'Église parce que finalement elle l'a remise dans son giron avec le procès de réhabilitation. Et là, il va y avoir une sorte de miracle, si on peut dire. Quelqu'un, un apothicaire, Tourlet, va venir avec un bocal et sur lequel est inscrit « Reste trouvé sous le bûcher de Jeanne d'Arc, pucelle d'Orléans ». Que vous avez retrouvé. Qu'on a retrouvé à Chinon, qu'on a analysé, et ce sont de magnifiques fragments de momies égyptiennes qui datent de la basse époque, vu la datation carbone 14 et la composition du bitume. Mais voilà. Comme il est venu avec, et à l'époque, l'étude scientifique avait montré que c'était plutôt compatible avec le fait que ça soit vraiment des fragments de charbon, et puis une côte humaine, etc. Comme il a apporté ça, eh bien, c'est l'Église qui a raflé le magot, si je peux me permettre cette expression. C'est un poker. Voilà. Et là, le poker est un poker menteur. Et le menteur, c'était la momie égyptienne. Philippe Charlier, deux mots peut-être sur les corps saints, quelque chose d'un peu particulier, donc envoyé par Dieu en regard des vertus du défunt, se pose alors le caractère miraculeux ou non. Certains corps ne se décomposent pas par l'intermédiaire de la grâce divine, mais non seulement ils ne se décomposent pas, ils se momifient spontanément, plus ou moins, mais surtout il émane de ces corps une odeur fantastique qu'on dit miroblite, une odeur de sainteté. Dans l'exposition, on montre des cheveux de la Vierge, on montre un doigt de Saint-Luc également, et puis d'autres restes de prestigieux qui sont des corps ou des fragments de corps momifiés. C'est une offrande, voilà, faite par Dieu à ces individus et qui, par leur absence de corruption, doit inciter à une présentation dans des reliquaires et à servir d'exemple pour nous, les mortels, pour nous mener vers une perfection. Philippe Charlet, puisque vous avez autopsié une momie péruvienne, reste la question de l'éthique. Les sujets momifiés n'ont jamais cherché à finir entre les mains d'anthropologues, d'archéologues ou de médecins légistes ? Non, ils n'ont jamais cherché, et c'est pour ça que moi je les considère comme des patients, étant de formation médicale. Ce sont des patients du passé, et ils sont là, ils n'ont rien demandé à personne, ils espéraient peut-être bénéficier d'un repos éternel. Eh bien, on est là pour les étudier. Ils sont la science peut les étudier, mais vous ne verrez pas de momie toute nue, par exemple, dans l'exposition. Vous aurez une atmosphère un peu sombre, comme au musée du Quai Branly, qui se prête à un caractère respectueux vis-à-vis de ce qui est présenté. Et pour moi, il faut vraiment respecter leur pudeur, en l'occurrence. Et quand on a fini de les étudier, se pose la question de « Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les réinhume ? Est-ce qu'on les remet dans leur emplacement initial ? Est-ce qu'on les met au moins dans un sous-sol ?» Et ça, pour moi, c'est une bonne solution. Bien les laisser identifier, les reconstituer ad intégrum lorsque c'est possible et surtout les mettre en terre, à disposition des chercheurs, mais dans un sous-sol, sous terre. Pour moi, cette topographie du sol et du sous-sol, elle est extrêmement importante. N'oublions pas que ce sont des morts, mais nous serons, nous aussi, des morts. Nous sommes, nous, les futurs morts. Sujet à débattre, parce que c'est un très beau sujet, et nous y reviendrons. Philippe Charlier, merci beaucoup. À voir donc cet été l'exposition « Momies, les chemins de l'éternité » qui se tient actuellement à Draguignan, ou se plonger dans le catalogue. Le magazine d'archéologie de France Culture cède la place au programme d'été et aura le plaisir de vous retrouver le samedi 3 septembre. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Marie Lepeintre, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.